le front collé à la fenêtre, elle regarde passer les pluies, la main ouverte contre le verre, elle salue ses tristes nuits. Elle salue ses tristes. S'arrête au mur d'en face, mur gris bâillonnant le soleil. La vie s'arrête aux gens qui passent, arrachés d'un fragile sommeil, arrachés d'un fragile. Qui n'ont jamais aimé, le bleu de ses yeux s'est éteint depuis qu'elle n'attend plus rien, depuis qu'elle n'attend plus. Les autos passent, dans son cœur les heures se lassent. Les amis s'oublient, l'ennui reste. Il y a du gris dans sa tête. Il y a du gris dans sa tête.